feed right at you. Garçons et mesdames, bonsoir, c'est DDN dans Le Vide Relatif sur Rage 88.3, l'émission où on écoute de tout en essayant de ne pas écouter n'importe quoi. On sait tous que les règles, c'est là pour être transgressées. On dirait même que la reconnaissance de la règle passe par sa transgression ou se retrouve dans sa transgression. Enfin, tout ça, c'est très compliqué pour vous dire un truc très simple. C'est que maintenant, je vais passer un morceau qui est sorti chez Sony. Et oui, c'est Isobel Campbell. Vous vous rappelez Isobel Campbell, l'ancienne chanteuse de Belle et Sébastien, qui a sorti récemment un album avec Mark Lanegan. Mark Lanegan, à présent, est très célèbre pour être le chanteur de Queens of the Stone Age. C'est bien dommage. Mieux quand il était célèbre pour être le chanteur des Screaming Trees. Enfin, c'est un joli album, qui est aussi joli que le press kit qui l'accompagne est idiot. Avec des trucs du genre perles de folk mélancolique et minimaliste. Si vous trouvez un truc qui veut rien dire aussi fort que ça, vous avez gagné 2 points. C'est Isobel Campbell. Enfin, ça c'était 2 titres mixés, bon, peu importe, la quasi-totalité de l'album se compose de morceaux de traditionnels dont je ne sais pas bien d'où il sort d'ailleurs, mais qui est très joli. Le Red IQ. Avec un peu de bol, vous écoutez cette émission à la radio. Avec encore plus de bol, il n'y a plus que le podcast. Ça tombe bien, ça a toujours été sur Internet que ça se passe, la musique. Enfin, depuis qu'Internet existe. Ça n'a pas commencé en même temps que la musique, Internet ? Oh, je sais pas, je me souviens plus. Alors, on a commencé avec un morceau délicat, doux, calme, raffiné. Alors, on va continuer avec pareil. C'est Agathoclès, c'est doux, c'est délicat, c'est raffiné. Ça, par contre, c'est pas sorti du tout chez Sony. C'est sorti sur un split avec au moins 4 ou 5 labels qui participent, qui est pas plus trouvable que ce que je passe d'habitude comme métal. Ça tombe bien, c'est le seul genre de métal qui m'intéresse. Tortoise, c'était un grand groupe. C'était un grand groupe il y a 10 ans, mais quand même, c'était quand même un grand groupe. Quand même. Un grand groupe, j'ai dit. C'est eux qui ont inventé le post-rock, enfin c'est ce qui se dit avec Mogwai, tout ça, bon. Enfin le post-rock c'est un genre de rock post ou qui a pas de voix, ou qui a pas de guitare héros, ou qui a pas de drum héros, ou qui a pas de héros. Donc c'est un rock sans héros. Donc en clair c'est pas du rock quoi, hein. Le problème avec Tortoise c'est que c'est pas resté bien tellement longtemps, c'est pas comme Mogwai. Bon enfin, ce qui suit c'est une réissue, un remix, un retravail, un remachin de leur premier album. Ça s'appelle Gamera, ça dure 11 minutes. J'ai trouvé ça super bien, on dirait Jasmin. Enfin personne connaît Jasmin à part moi, alors on s'en fout. Thank you. Voilà, bon, c'était bien. C'est du rock, hein, quand même, hein. C'est du rock, mais il n'y a pas de héros. Alors, c'est pas du rock. Ou alors, c'est du rock. Enfin, si vous voulez décider si c'est du rock ou pas, ou discuter avec moi si c'est du rock ou pas, c'est pas difficile, vous faites forum.rage.fr, il y a un topic le vide relatif, ou alors vous pouvez me contacter à levidrelatif@rage.fr, et comme ça, on discutera de ce qu'est ou n'est pas le rock. Ah là là, si on avait dit à Brejnev, il y a quelques années, que en Croatie, il se ferait des reprises de chansons de Dead Kennedys, où Djello Biafra parlait du sénateur de la Californie comme un dignitaire nazi, ou un truc du genre. Enfin, c'est compliqué, mais c'est drôle. Donc c'est une reprise de California Uberales, des Dead Kennedys, par un groupe croate qui s'appelle Triple X. chopé le disque suivant à la radio parce que dessus il y avait écrit que c'était trop mou et trop bizarre. Alors je me suis dit que ça allait me plaire et ça a pas loupé, ça m'a beaucoup plu. Ça s'appelle Mai ou Maï ou je sais pas d'où ça sort, c'est pas bien grave. Je sais pas vous, mais moi j'adore les sons du piano électrique. Au fait, comme c'est un CD promo, peut-être que bêtement c'est un morceau de 5 minutes qui a été écourté pour aller sur le CD promo. Enfin, s'ils ont fait ça, ils sont complètement idiots, parce que de toute façon personne n'a écouté leurs œuvres jusqu'au bout, à part moi, et moi, bien, j'aurais bien écouté 5 minutes de plus. Eh ben, ça c'est une émission où qu'on passe du folk, où qu'on passe du crust et où qu'on passe du dub. Qu'est-ce que c'est que cette émission ? Yeah. Papa. Opa, sam gore. Gore, gore, gore, gore, gore, gore, gore, gore, gore. Čekao sam da me pukne opal. Sam zore opal. Sam zore. Et voilà, ça c'était la spéciale dédicace pour Aloïs, encore que je suis pas vraiment sûr que ça lui plaise ce genre de truc. Alors maintenant, on va se laisser pousser les rébanes, on va se mettre du gras dans les cheveux, on va se mettre des blousons en cuir, on va faire semblant d'avoir des grosses motos et de jouer de la guitare avec de la distorsion. C'est Freak Flag, c'est Baracus, c'est du stoner. Eh ben non, c'est pas en 74 que c'est sorti, c'est en 2004. C'est un petit parfum de Monster Magnet, hein, évidemment, qui soi-même avait déjà un petit parfum de Hawkwind, bref. Et maintenant, on va se passer un petit morceau de hardcore pour faire tous la la la en reprenant les refrains. C'est Bananas at the Audience. Quand je vous dis qu'il y a des tas de trucs bien qui sortent en France, en v'là Corin. Comment ça qui dit l'auditeur ? L'auditeur il dit que ça a pas inventé l'eau tiède ? Bah ouais, ça a pas inventé l'eau tiède, mais c'est quand même vachement bien. Alors dis voir auditeur, t'es pas un peu snob à trouver que des trucs ça a pas inventé l'eau tiède et que sous prétexte que ça a pas inventé l'eau tiède, c'est pas bien, hein ? Tu me donnes des leçons de musique expérimentale. Alors si tu veux m'en donner, c'est une bonne idée. C'est forum.rage.fr ou levidrelatif@hotmail.fr. Et puis on va discuter de musique expérimentale. Ça nous changera du discuter du rock comme on a fait tout à l'heure. D'Ivoire, j'y ai rêvé ou on n'a encore pas passé d'ambiant? Ah ben il en faut de l'ambiant, ah bah oui, on peut pas faire d'émission sans passer d'ambiant. Ça c'est Paranoid Foundation et Paranoid 404, alors d'après ce que j'ai compris, c'est les deux membres du groupe qui font deux trucs séparés sous deux noms différents, et puis ils font un coup l'un, un coup l'autre, un truc dans ce genre-là. C'est deux morceaux mixés évidemment, comme ça vous avez un coup l'un, puis un coup l'autre. Voilà, c'était Paranoid 404 et Paranoid Foundation. Enfin, d'abord, c'était Paranoid Foundation, bon. Et puis maintenant, on va se quitter. La semaine prochaine, vous aurez droit aux musiques qui suintent. Plutôt pas mal comme programme. Je suis bien désolé que ça soit déjà fini. On se quitte avec un peu d'électro calme, minimaliste. Enfin, calme pour ceux qui trouvent que Panasonic, c'est calme. Ce genre-là, quoi. Bing.